Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission d'OST. Vous êtes bien sur Radio Dijon Campus, on est dimanche matin, il est 8h et c'est l'heure d'un nouveau magazine mensuel. Alors OST, qu'est-ce que ça veut dire ? Les lettres OST composent l'acronyme signifiant Original Soundtrack. Ce terme anglais, que l'on peut traduire par bande originale, est utilisé pour désigner les musiques de films, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse dans cette émission, les musiques de jeux vidéo. Chaque mois, en un peu moins d'une heure, nous allons vous présenter un jeu vidéo et surtout vous faire découvrir sa musique. Vous l'avez bien entendu, j'ai utilisé le « nous » parce que je ne serai pas tout seul pour faire cette émission. Je serai accompagné comme aujourd'hui d'Emeline. Salut Emeline. Salut Romain, tu vas bien ? Écoute, ça va plutôt bien. Alors, à tout seigneur, tout honneur, pour cette première émission, nous allons vous parler d'un jeu qui est sorti en 2011 et qui se nomme « To the Moon ». Ce jeu indépendant est l'œuvre du studio Freebird Games, composé de 4 développeurs dont Kan Gao est le fondateur et la tête pensante. C'est lui le programmeur, le scénariste, c'est lui aussi le compositeur du jeu, mais ça vous en doutez, donc on y reviendra un petit peu plus tard. To the Moon est un jeu en 2 dimensions, avec des graphismes assez simples qui nous font penser aux jeux de la Super Nintendo comme Zelda ou encore Final Fantasy 5 et 6. Au niveau du gameplay, c'est-à-dire la manière d'interagir avec le jeu, on est sur du point and click. Alors Romain, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie ? Le point and click, ou le pointé-cliqué en français, indique une manière d'interagir bien spécifique. En effet, au lieu de martyriser votre manette ou votre clavier, vous n'avez qu'à utiliser votre souris pour diriger les personnages et les faire réaliser des actions diverses. L'histoire qui nous est racontée dans To the Moon est celle de 2 docteurs un peu particuliers, le docteur Rosalen et le docteur Watts, qui viennent au chevet d'un vieux monsieur appelé John. Grâce à une étrange machine, ils vont pouvoir naviguer dans ses souvenirs pour l'aider à enfin réaliser son rêve, aller sur la Lune. Et maintenant, nous allons entrer dans le cœur de notre émission, la bande originale du jeu. On vient de s'écouter Between a Squirrel and a Tree, qui est une des musiques qui font partie de l'OST de To the Moon. Et Emeline, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur le compositeur de cette OST ? Bien sûr, Romain. Alors, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, Kan Gao, c'est le créateur du jeu, qui est lui-même compositeur, en fait. C'est un jeune programmeur canadien qui a débuté dans le jeu vidéo dans les années 2000. Sa capacité à assumer plusieurs tâches, donc la programmation, le scénario, la composition de musique, les dialogues, ça l'a amené à développer une méthode de travail un petit peu particulière. Dans une interview, il a notamment expliqué que pour certains passages du jeu, il a eu besoin d'abord de composer la musique afin de s'en inspirer pour écrire les dialogues. Dans son ensemble, l'OST de To the Moon est faite à partir de sons électroniques. Seul le piano est acoustique. La bande sonore a une place très importante dans ce jeu pour 2 raisons. Tout d'abord, puisque le réalisateur du jeu en est également le compositeur, les processus de création du jeu et de sa musique sont donc intimement liés. Secondo, dans le jeu, les dialogues ne sont pas parlés, mais écrits. La musique, et plus globalement le son, doit alors montrer ce qui ne peut être exprimé par la voix. Alors voilà, c'est maintenant le moment de vous faire écouter un peu de musique et de l'analyser. On est là pour ça, de toute façon. Nous allons vous passer quelques morceaux parmi les 27 que contient l'OST de To the Moon. On a choisi ceux-ci en particulier en fonction de leur importance dans l'histoire. Alors tendez l'oreille, on vous passe la toute première musique du jeu. En fait, vous l'entendez lorsque vous arrivez sur l'écran titre du jeu. Avec cette introduction, Kan Gao nous plonge tout de suite dans l'ambiance douce et enfantine de son jeu. C'est le xylophone qui nous fait penser au son d'une boîte à musique et amène ce côté innocent et mélancolique. Vous l'avez sans doute remarqué, la première chose que l'on entend est le piano. Comme on l'a dit, il s'agit du seul instrument acoustique de toute l'OST. En le présentant dès le début, le compositeur le met en avant et nous montre que le piano va nous accompagner tout au long du jeu. Nous allons passer au deuxième morceau, qui se nomme Four River. Cette musique-là a une place toute particulière dans le jeu, puisque c'est le personnage principal, John, qui la compose pour son épouse River, qui est l'amour de sa vie. Ce morceau représente donc le couple amoureux du jeu. En plus, on retrouve ce thème dans des étapes importantes du scénario, notamment le début et la fin. On vous la fait écouter et puis on en rediscute après. Ce morceau que vous venez d'écouter, donc Four River, est un vrai élément scénaristique du jeu, puisque les personnages en parlent, ils le critiquent et même ils le jouent au piano. Il existe d'ailleurs une autre version de cette musique, qui est ce qu'on appelle un quatre mains, c'est-à-dire que deux personnages font face au clavier et jouent avec leurs deux mains. Dans le cas présent, il s'agit de deux enfants qui l'interprètent au tout début du jeu. En plus de tout ça, Four River est la seule musique de la bande originale qui soit intradiégétique. Alors Emeline, est-ce que tu peux nous expliquer ce terme un peu barbare ? Une musique intradiégétique est une musique qui se trouve dans l'univers du jeu et que les personnages peuvent entendre. Alors si je vous prends un exemple, dans le film Un jour sans fin, Bill Murray se réveille tous les jours avec la chanson « I've got you, babe ». Le son provient directement de la radio et est entendu par le personnage. Nous, d'habitude, on entend plutôt l'inverse, appelé extradiégétisme, lorsque la musique est extérieure à la narration et est uniquement destinée au spectateur. Alors maintenant, on va s'essayer à un petit jeu. On vous passe une musique de l'OST et vous devez deviner quelle activité font les personnages pendant cette séquence. Alors, vous avez trouvé ? Bon, allez, un petit indice, ça se passe au niveau des percussions. Écoutez bien. Bon, on vous donne la réponse. Officiellement, ce morceau s'appelle « Take Me Anywhere », mais nous, on en parle comme de la chanson des poneys. Et oui, les poneys, parce que vous l'avez peut-être compris. Pendant cette séquence, les personnages font du cheval. Alors, si on s'est permis cette petite digression, c'est parce que ce passage représente également une parenthèse dans le jeu. C'est l'un des rares moments d'insouciance que l'on nous montre de la vie de John. Après ces trois musiques plutôt enfantines et insouciantes, justement, on va maintenant s'approcher un peu plus de la part mélancolique et sombre du jeu. Pour illustrer cette nouvelle ambiance, nous allons vous faire écouter Uncharted Realms. Thank you. Uncharted Realms est la musique utilisée lors de la découverte des souvenirs de John dans To The Moon. Les attaques intenses des instruments à cordes qui forment le fond sonore donnent un caractère mystérieux et inquiétant au morceau. Alors que le xylophone que vous entendez après nous rappelle l'ambiance enfantine des premiers titres. On se réécoute ça. Ces mélanges de sonorités font de cette musique une sorte de passerelle entre le côté innocent et le côté mélancolique, voire angoissant, qui forme la bande originale de To The Moon. Voilà, vous commencez à avoir une petite idée de l'ambiance musicale du jeu, avec un mélange de nostalgie et de mystère, et avec le piano comme fil conducteur. À présent, nous allons regrouper deux morceaux qui ont beaucoup de points communs. Alors d'abord, par leur titre, puisque le premier se nomme Born a Stranger et le second Lament of a Stranger. Et ensuite, par leur écriture musicale, car il s'agit en réalité de deux versions différentes d'une seule et même musique. Born a Stranger est donc une pièce pour piano seul. On va voir d'un peu plus près ce que la structure nous raconte. On a d'abord une courte introduction, puis une phrase musicale, c'est-à-dire un enchaînement de notes qui forme un sens et se termine par un repos. Celle-ci se répète et se modifie légèrement tout au long du morceau. On va pas y aller par quatre chemins. Ce morceau est là pour nous faire ressentir de la tristesse, voire même de la pitié. La répétition des notes et des phrases nous font penser à une spirale sans fin, comme si les personnages du jeu étaient prisonniers. On l'a dit tout à l'heure, une phrase musicale se termine par un repos. Et dans cette musique-là, Born a Stranger, ces pauses sont étirées comme pour nous laisser contempler le drame que l'on joue dans To The Moon. Passons maintenant au morceau jumeau, Lament of a Stranger. Dès ces notes graves au piano, on sent l'ambiance s'assombrir. Ça sonne comme des cloches d'église qui annoncent un mauvais présage et nous montrent les faiblesses des personnages. temps, maintenant, de braquer les projecteurs sur les deux professeurs que l'on incarne, Dr. Rosalène et Dr. Watts. Ces deux personnages ne sont pas des médecins ordinaires, mais aussi des détectives, voire même les meilleurs détectives du monde. Les deux morceaux que l'on vient de vous passer s'appellent respectivement Beta B et Bestest Detectives in the World. Et à eux deux, ils montrent les différentes facettes des deux docteurs. Un peu bizarre. Le premier titre met en avant le côté fantastique des tripatouilleurs de mémoire, cet aspect angoissant et presque surnaturel, que l'on entend surtout grâce aux voix synthétiques. Avec le deuxième morceau, on cerne tout de suite une autre personnalité, le côté humoristique des deux docteurs qui ne cessent de s'envoyer des piques tout au long du jeu. Le son de la mélodie au piano est particulier. Le compositeur a voulu qu'il soit piqué, c'est-à-dire qu'on appuie très brièvement sur la touche pour obtenir un son très court. Grâce à ça, nous avons le côté léger et puis sautillant. D'un autre côté, les notes graves du piano sont assez basiques. Imaginez un enfant de 5 ou 6 ans face à un clavier et qui répète seulement 5 notes avec son index. En plus de ça, le trombone fait son apparition et l'ensemble de ces deux sons donne un aspect balourd et maladroit. Pas besoin d'avoir l'image pour se les représenter, la musique les décrit très très justement. Emeline, je crois qu'il est temps de boucler cette histoire. Alors maintenant, on peut vous le dire. Si on a choisi To the Moon, c'est parce que c'est un de nos chouchous. On a aimé l'ambiance, les graphismes, l'histoire qui nous a énormément touchés. Ce qui est intéressant, c'est que le sujet est assez banal, puisqu'on ne fait qu'observer les événements de la vie d'un homme normal. En fait, on explore les souvenirs de John en commençant par le plus récent, c'est-à-dire quand il est un vieil homme, en remontant jusqu'à son enfance. Ça donne l'envie de comprendre comment il en est arrivé là, et surtout, pourquoi il souhaite aller sur la Lune, alors que lui-même ne le sait pas. Comme on revisite sa vie, on passe par des moments drôles, tristes, graves ou heureux. Et la musique nous aide à nous imprégner de ces émotions. La bande-son de Kangao n'est pas une musique complexe dans le sens savant du terme, mais ce côté simple en fait sa force. Avec une écriture musicale comme celle-ci, tout le monde peut ressentir et s'approprier les émotions dégagées par la musique avec intensité. Sur ces belles paroles, on en a terminé avec la bande originale de To The Moon. Si vous voulez vous la procurer, elle est disponible pour 5$ seulement, donc 4€ environ, sur le site officiel du studio freebirdgames.bandcamp.com. Le studio a sorti il y a quelques mois maintenant le jeu A Bird Story. D'ailleurs Romain, tu y as joué, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu en as pensé ? Eh bien, Bird Story, c'est un jeu que j'ai bien aimé, qui reprend les mêmes codes que To The Moon, que ce soit graphique, même musical d'ailleurs. Même si personnellement, l'histoire de Bird Story m'a un peu moins touché, mais ça reste dans le même univers. Et justement, si vous voulez continuer un peu l'aventure To The Moon et avoir cette ambiance, Bird Story peut faire ça. Et surtout, c'est un bon amuse-gueule, entre guillemets, un apéritif avant de pouvoir jouer à Finding Paradise, qui est la suite officielle de To The Moon. Alors, vu qu'il nous reste un peu de temps, on va se faire un petit plaisir. On n'aura pas forcément l'occasion pour les prochaines émissions. On va vous sortir un peu de ce cocon qu'on avait tissé pour vous, là, tout doux, tout chaud, en s'écoutant cette fois deux musiques de jeux vidéo qui ont une valeur sentimentale pour nous, mais on ne sera plus du tout dans la même ambiance. Et Romain, c'est toi qui commences. Oui, alors là, évidemment, tous les connaisseurs de jeux vidéo vont reconnaître dès les premières notes de guitare, mais je ne pouvais pas passer à côté de l'opportunité de vous plonger dans l'ambiance ténébreuse de Tristram. Thank you. J'en ai encore des frissons. Alors, pour ceux qui n'auront pas reconnu, il s'agit du thème du village de Tristram que l'on visite dans tous les jeux Diablo 1, 2 et 3, qui est le village maudit, en fait, d'où part toute l'histoire. Dans le premier Diablo, vous allez descendre dans cette gigantesque église, et donc c'est la musique du thème, qui a été composée par Matt Huelman, qui s'est occupé de la musique des Diablos. Et voilà, pour mon petit plaisir à moi. Allez, Emeline, c'est à ton tour. Alors, moi, je vais faire dans le gros souvenir d'enfance, parce qu'en fait, c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Alors, rappelez-vous 98. La Coupe du Monde, Zidane ? Oui. Oui, enfin, pas seulement, en fait. Dans le monde du jeu vidéo, on avait déjà entamé cette série de jeux avec, vous savez, une aventurière, toujours à la recherche d'artefacts anciens. Elle dégainait et tirait avec ses deux usis comme personne. Ça vous dit quelque chose ? Il s'agissait donc de la musique de Tomb Raider 3. Mais pas n'importe laquelle, celle du menu. Vous étiez obligé de tomber dessus à chaque fois que vous vouliez jouer. Oh, ça me donne envie d'y rejouer. Se frotter au dino, là, se perdre dans une prison ou dans la jungle, et puis s'arracher les cheveux parce qu'on ne sait plus quoi faire et qu'Internet n'existe pas encore vraiment. On se filait les solus entre copains à ce moment-là. Tiens, ça me rappelle tous ces moments à essayer de me remémorer les codes pour les armes. Les codes pour tricher, quoi. Tout le monde le faisait. Oui, enfin bon. Alors, on va continuer hein, sur ces petites préférences musicales pour les jeux vidéo parce que c'est trop bon. Et cette fois, ça va être souvenir d'ado après souvenir d'enfance. C'est encore moi qui commence et cette fois-ci, on va s'écouter un titre de la bande originale de Kingdom Hearts qui s'appelle Hollow Bastion. Thank you. Ah, Kingdom Hearts, ce jeu incroyable fait dans les débuts des années 2000 où on mélange l'univers de Final Fantasy et de Disney au sein d'un même jeu. Donc ça, c'est le thème de la forteresse oubliée qui est l'un des derniers niveaux du jeu en fait et qui est un niveau justement créé qui ne vient pas ni de Final Fantasy ni de Disney. Et donc c'est la compositrice Yoko Shimomura qui s'est occupée de toute la musique des Kingdom Hearts et qui a fait un excellent travail. Et donc ça, pour moi, c'est toute mon adolescence parce que c'était un de mes jeux préférés quand j'étais ado et que j'avais 14-15 ans. Souvenir d'ado encore, et ce coup-ci, évidemment, Emeline, je te laisse la main. Alors, pour moi, le souvenir d'ado le plus marquant, j'ai retenu les Sims 1. Voilà. Parce que c'est sûrement le jeu où tu as passé le plus de temps. Exactement. Avec une copine, on a passé des heures et des heures à faire ça toutes les nuits, le plus possible, tant que nos parents ne repéraient pas qu'on était sur l'ordinateur. Voilà, on s'écoute une de ces musiques. C'était donc la musique des Sims 1, ce jeu auquel j'ai joué pendant des heures. On a créé des maisons, on a créé des personnages rigolos ou un petit peu bizarres ou qui nous ressemblent. On a aussi acheté toutes les extensions du jeu pour avoir des chiens, des chats, pour partir en vacances, pour avoir des fantômes. On était fondus de ce jeu, on trouvait toutes les suites possibles et imaginables et je me souviens pas combien d'heures j'y ai joué. Et surtout après, s'en est suivi les Sims 2, les Sims 3, les Sims 4 et je les ai tous achetés. Voilà, donc plein d'heures de jeu à être là, à entendre des personnages dire « Tigreong !» Exactement. Zoom zoom. Bon voilà, ce coup-ci, on en a fini avec tous ces petits moments nostalgiques qui nous ont fait du bien, hein, faut le dire, ça nous a fait du bien d'en parler. Il est temps maintenant de se dire au revoir, ben oui, ça y est, c'est la fin de l'émission. Oui. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission, OST donc continue sur Radio Dijon Campus. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez un peu voir ce qui se passe, les petits secrets de réalisation, aussi des petites choses qu'on n'a pas mis dans l'émission mais qu'on connaît sur les musiques, on a une page Facebook maintenant, attention, réseaux sociaux, on est là. Donc si vous tapez OST sur Facebook, vous nous trouvez avec une magnifique page Facebook. Merci à tous, merci à Emeline. Merci à toi Romain. Merci beaucoup à Andrea pour la réalisation de cette émission. On vous souhaite un bon dimanche sur le 92.2. Salut tout le monde. Salut.